les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingret, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditeurs des Vosges samedi, et c'est un spécial plan d'eau. Ah oui, le spécial plan d'eau, c'est notre marronnier à nous. Et oui, parce que ça, justement, ça tombe au moment, le début de ce spécial plan d'eau à Remiremont. Eh bien, ça tombe au moment où les feuilles commencent à tomber. Et oui, ça démarre demain. Alors demain, c'est, si vous écoutez pour la première fois cette mission les Vosges samedi, puisqu'elle sera diffusée la première fois le 17 novembre 2018. C'est à l'occasion de la première diffusion que vous pouvez retrouver justement cette émission en podcast. Elle sera rediffusée au fil de cet hiver, l'hiver commençant, on le sait, le 21 décembre. Mais ça se termine, et l'hiver se termine le 21 mars. Et justement, cette animation du plan d'eau de Remiremont débute le 18 novembre 2018 jusqu'au 17 février 2019, de 10h30 à midi. Tous les dimanches, l'entrée est libre et gratuite. Il nous propose donc d'observer les oiseaux d'eau présents sur ce lieu de passage et d'hivernage. Rendez-vous dans l'affût en contrebas du parking. Et le IL, eh bien, c'est l'association Oiseaux Nature. Et nous allons reprendre un interview qui n'a pas pris une ride que nous faisions avec Jean-Louis Hans. Eh bien, il y a tout simplement un an de cela. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Jean-Louis. Alors Jean-Louis Hans, un des animateurs de cette animation justement tout public sur le plan d'eau, enfin à côté du plan d'eau de Remiremont. Mais alors qu'est-ce que l'on y fait et à quelle période? Enfin bon, toutes les informations pour nos auditeurs des Vosges samedi. Voilà, alors donc il s'agit de séances d'observation d'oiseaux d'eau et d'oiseaux de passage sur le plan d'eau de Remiremont. Donc c'est tous les dimanches matins. Donc cette année, c'est du 12 novembre au 18 février 2018, de 10h30 à midi, et c'est gratuit. Donc on encourage les gens à venir nous voir. Ça leur permet d'apprendre beaucoup de choses sur les oiseaux, bien sûr, mais également sur la nature en général. On fait des observations d'espèces qui sont, on va dire, pour certaines assez communes, hein, comme le canard colvert, par exemple, la foulque macroule, les grès bupés, les fuligules morillons. Et puis, il y a d'autres espèces beaucoup plus rares que l'on observe de temps en temps, surtout quand il y a des moments des coups de froid. Des moments de coups de froid, parce que ils se réfugient davantage. Pour quelles raisons? Non, tout simplement parce que ce sont des oiseaux migrateurs. Il y a beaucoup d'espèces qui se reproduisent dans le nord de l'Europe, notamment en Scandinavie, également dans le sud de la Russie. Et ces oiseaux-là, quand il y a des coups de froid en Europe centrale ou en Europe septentrionale, eh bien, ils ont tendance à descendre vers l'ouest ou vers le sud. Donc on bénéficie d'apports d'espèces qui sont assez remarquables pour nous parce qu'elles ne nichent pas chez nous, donc on les voit pas souvent. Donc on a fait depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, un peu plus même, des observations assez intéressantes d'oiseaux d'eau, d'oiseaux de passage. Et donc en fait, donc cette animation démarre, enfin disons, commence, vous êtes présent à partir de 10h30 jusqu'à midi, les personnes peuvent venir aussi bien à 11h ou à 11h30. Oui, absolument, oui. Oui, c'est ça. À midi, bon, parfois, ça dure un petit peu plus longtemps parce que s'il y a des choses intéressantes, s'il y a beaucoup de choses à dire, parfois, ça dure jusqu'à midi et demi. On n'est pas, on va dire, tributaire du chronomètre. Hein. Oui, en même temps, on va dire midi pour pas que... Voilà, vaut mieux venir avant midi. Oui. Et donc, c'est tous les dimanches, quel que soit le temps et quelle que soit la date. Enfin, je vois par exemple en 2017, la veille du Nouvel An, le dimanche 31, c'est valable également. C'est valable tous les dimanches. Y compris les dimanches qui sont des jours de fête, Noël ou Nouvel An ou des trucs comme ça. Bon, cette année, ça ne sera pas le cas, puisque Noël, c'est le lundi, mais le dimanche qui précède, le 24, voilà. Et quel que soit le temps, sauf peut-être si... Quel que soit le temps. Si c'est du verglas où tout le monde reste... Non, nous on est là, quel que soit le temps. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, enfin c'est rare en hiver, mais nous sommes toujours là, y a aucun problème. Alors, de toute façon, c'est pas, même s'il pleut, c'est pas grave, puisqu'il y a un affût, donc on se trouve dans l'affût. Voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fin de compte, on est à l'abri. Voilà, on est à l'abri s'il pleut. Et puis, au niveau donc de ces animations, vous êtes plusieurs à vous relayer au niveau de Oiseau Nature. Comment ça se passe? Voilà. Alors, en général, il y a à peu près deux ou trois animateurs qui sont présents. Ce sont des ornithologues expérimentés de l'association Oiseau Nature. Bon, moi, j'y suis régulièrement. Il y a Jacques Combe qui y va également, Alex Imbert, enfin, des gens qui passent assez souvent l'habitude de nous voir. Donc on se relaye, on se fait un petit calendrier, puis c'est en fonction des disponibilités de chacun, on fait en sorte de pouvoir couvrir tous les dimanches, du 12 novembre au 18 février. En plus, on participe en même temps à des comptages d'oiseaux d'eau, qui sont des comptages liés à une étude scientifique qui s'appelle Wetland International. L'objectif, c'est de compter les oiseaux d'eau un petit peu partout en Europe, sur des plans d'eau qui sont préalablement identifiés, afin de connaître l'état des populations de toutes les espèces. Donc le plan d'eau de Remiremont fait partie des plans d'eau qui sont dans cette étude scientifique, ainsi que le lac de Bouzet, par exemple, ainsi que le lac de Gérardmer, Longemer, l'étang de Putière, et puis bien d'autres. Donc pour des personnes aussi qui voudraient en savoir davantage sur justement ces activités d'oiseaux nature, là on parle en direction des oiseaux, c'est aussi l'occasion de pouvoir prendre des informations en direct avec un des animateurs. Voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que nous on essaye de présenter certaines espèces d'oiseaux, celles qui sont là, mais l'objectif c'est pas uniquement de faire en sorte que les gens sachent reconnaître le filigule milouin ou le harlebièvre par exemple, c'est également de les informer sur les actions de protection de la nature que mène l'association Oiseau Nature dans les Vosges. C'est ça également, c'est de les informer sur les menaces qui pèsent sur la nature en général, sur les espèces, que ce soit les oiseaux ou les plantes, les mammifères, un petit peu tout. On n'est pas uniquement focalisé sur les oiseaux. Donc les gens qui viennent nous voir, ils peuvent obtenir beaucoup d'informations concernant la protection de la nature et des milieux naturels en général dans les Vosges, en Lorraine et puis ailleurs dans le monde. Alors justement, après notre entretien, je passerai, c'est un peu emblématique, tant que ça sera hélas d'actualité, je passerai un morceau interprété par les Coatribotes qui reprend un air traditionnel qui est donc l'alouette. Alors dans le cadre, parce que c'est vraiment un peu emblématique du non-sens, enfin c'est plus que du non-sens, c'est... Comment dire, c'est une attitude tout à fait nocive de certains pouvoirs publics concernant justement cette protection de la diversité sauvage. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, entre autres sur l'alouette, parce que c'est fou comme argument qu'oppose le préfet, mais sur d'autres actions prioritaires actuellement, prioritaires parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais il faut bien canaliser son énergie. Voilà. Bon, je vais présenter quelques-unes des actions que mène l'association Oiseau Nature. Mais puisque tu parles de l'alouette, il s'agit de l'alouette des champs. Alors l'alouette des champs, il faut savoir que c'est une espèce normalement qui devrait être archi-commune dans les Vosges. Dès lors que l'on trouve des milieux ouverts, des champs de céréales, des labours, des petites friches herbacées, des choses comme ça, on devrait trouver l'alouette des champs. Mais c'est une espèce qui a beaucoup pâti de l'industrialisation de l'agriculture. Donc, comme il y a de plus en plus de... Il y a eu beaucoup de remembrements qui ont arraché les haies. Toutes les parcelles agricoles sont traitées, les pesticides, tout ça. Donc, beaucoup moins de nourriture, beaucoup moins d'insectes. Donc l'alouette est une espèce, l'alouette des champs est une espèce qui est en perdition dans les Vosges actuellement. Elle était encore très commune il y a quelques années, aujourd'hui c'est très difficile d'en trouver. Je suis allé me balader moi ces dernières semaines dans des milieux qui a priori devaient être favorables à cet oiseau. Eh ben j'en ai pratiquement pas trouvé, quoi, quelques-unes mais presque rien. Et au moment des passages c'est pareil. Alors ce qui se passe aujourd'hui, bon là on en arrive à la pression cynégétique, à la chasse. L'alouette des champs qui est menacée par les activités agricoles intensives, est toujours chassable. Je pense que c'est de ça que tu voulais parler. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est une espèce qui est toujours chassable. Nous avons demandé au préfet de faire en sorte que cette espèce ne soit plus chassable, au moins qu'il y ait un moratoire. Puisqu'il s'agit d'une espèce en perdition, donc à partir du moment où une espèce est en voie d'extinction, hein, tout simplement dans le département des Vosges, la mesure normale qui devrait s'imposer, c'est l'arrêt de la chasse. Mais nous n'avons rien obtenu du tout. Les chasseurs eux-mêmes reconnaissent, enfin la Fédération départementale des chasseurs elle-même reconnaît que l'alouette des champs va très très mal, mais ils préfèrent alerter les instances cynégétiques nationales plutôt que de prendre des mesures conservatoires qui devraient s'imposer d'urgence. Avec l'argument ubuesque du préfet qui dit de toute façon, ça ne sert à rien que je prenne un arrêté pour justement faire ce moratoire ou l'empêcher, puisque de toute façon, il n'y en a quasiment plus. Voilà, il n'y en a quasiment plus. Alors on a envie de leur dire, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en aurait plutôt plus. Voilà où nous en sommes, hein, concernant l'alouette des champs. Bon, ce qu'il faut savoir, je précise quand même qu'il existe deux espèces d'alouettes qu'on peut trouver dans les Vosges. Hein. L'alouette des champs, bien sûr, la plus commune, qui est chassable. Il y en a une autre qui s'appelle l'alouette Lulu, qui, elle, est une espèce protégée. Mais bon, voilà. Hein. On sait très bien que les chasseurs ne connaissent pas très bien les oiseaux. Et puis, que bon, ben, l'alouette Lulu peut très bien... Oui, et puis, avec une vue très, très perçante, quand encore récemment, il y a quelques semaines dans les Vosges, au lieu d'abattre un sanglier, c'est une génisse qui a été tirée en pleine tête. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle les bavures. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, ornithologues, quand on voit ça, il y a de quoi être en colère, quoi. Bon, il existe d'autres espèces d'oiseaux qui ne devraient plus être chassables dans les Vosges, et même dans toute la France. Bon, je peux en donner une, c'est la bécassine des marais. La bécassine des marais, c'est pareil, c'est un oiseau qui a beaucoup souffert de l'assèchement des zones humides, surtout, et dans toute l'Europe. Hein. Et aujourd'hui, ben, on sait, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, qu'il doit rester à peu près 40 couples de bécassines des marais dans toute la France en tant que nicheuse. 40 couples nicheurs en France. Donc on est en dessous du seuil de survie dans ces cas-là. On peut dire que c'est une espèce qui est quasiment éteinte en tant que nicheur en France. Alors on voit toujours des bécassines des marais, mais ce sont des oiseaux de passage qui sont tirés. Oh. Elle est chassable. Voilà encore une espèce qui ne devrait plus être chassable, tout simplement. Voilà. Bon, quand une espèce d'oiseau est menacée, eh bien, on prend les mesures qui s'imposent. Ça s'appelle des mesures conservatoires. C'est juste le bon sens. Mais ça, on n'y arrive pas. On a tous les arguments qu'il faut pour défendre nos positions, mais eh bien, on n'y arrive pas. Alors, on va dire, on n'y arrive pas encore parce que Oiseau Nature arrive quand même, mais avec, d'une part, avec la force de ses adhérents. Vous êtes combien on a... À peu près 500. 500 adhérents. Voilà, on a un peu plus de 500 si on compte les adhésions familiales. Oui. Voilà, et donc toute personne qui souhaite adhérer peut adhérer, on n'est pas obligé d'être vosgien. Est-ce que tu peux donner justement là des adresses où les personnes pourraient vous contacter pour adhérer, pour alimenter aussi ce combat que vous faites pour la préservation de la nature? Oui. Bah, le mieux, c'est d'aller, pour ceux qui ont Internet, c'est d'aller sur le site Oiseau Nature. Hein. Il suffit de taper Association Oiseau Nature et puis ils arrivent sur le site. Ils auront toutes les informations pour adhérer. Sinon, eh bien, ils peuvent nous rendre visite au plan d'eau de Remiremont. Bon, moi, j'ai toujours des bulletins d'adhésion sur moi. Voilà, c'est pas... Sachant... Le mieux, c'est le site. Sachant que, comme vous êtes une association reconnue très officiellement, puisque vous siégez dans un certain nombre d'organismes officiels, même l'adhésion est déductible des impôts pour les personnes qui seraient adhérentes. Seraient imposables. Voilà. L'adhésion, c'est 30 euros par an. Donc pour 30 euros par an, on est adhérent d'une association de protection de la nature. On reçoit la revue de l'association qui s'appelle Le Troglo. Et qui est une très belle revue. Très belle revue avec des articles tout à fait pertinents hein, et puis de très belles photos. Et puis en même temps, ben, on accède à tous les stages de Oiseau Nature, les stages sur le terrain, les sorties découvertes de la nature gratuitement. Donc pour 30 euros, ça vaut le coup quand même. Voilà. Alors les sorties de la nature sont gratuites pour tous les adhérents et sont payantes pour certaines d'entre elles, donc pour les non-adhérents, sauf certaines animations comme celles qui ont trait au plan d'eau tous les dimanches matins, là c'est gratuit. Et quand une sortie est payante, pour des non-adhérents, vous demandez en général une moyenne de combien ? Ben, en moyenne, c'est même pas en moyenne, hein, c'est toujours 5 euros. Pour les adultes ? Pour les adultes qui ne sont pas adhérents. Mmh. Voilà. Et en général, c'est sur quasiment une demi-journée, souvent, les animations. Oui, oui, oui. Et puis quand je regarde le programme des sorties, je vois là, pratiquement toutes sont gratuites. Hein. Alors... Donc, ça veut dire qu'elles sont même gratuites pour les non-adhérents. Hein. Mais bon, tout ça, le programme des sorties, il est sur le site. Hein. Voilà. Et puis... Les gens, en fonction de leur... de l'endroit où ils habitent, ils peuvent plutôt privilégier telle ou telle sortie, mais également en fonction de ce qu'ils ont envie de découvrir, hein, parce qu'il y a des sorties il y a des sorties botaniques, des sorties insectes, bon, il y a un petit peu de tout, quoi. Oui, oui, puisqu'il y a des sorties ensuite pendant toute l'année 2018, dont les Vosges samedi se fera un plaisir de s'en faire l'écho. Dernière question, justement, pour ces sorties, il est préférable de s'inscrire pour certaines d'entre elles ? Non, la plupart du temps, non. Sauf quelques-unes. Bon, il y en a parfois l'animateur, parce que ça, ça dépend de l'animateur. Hein. Dans certains cas, l'animateur indique que la sortie sera annulée en cas de pluie. Mmh. Bon, ça dépend des sorties. Hein. Oui, c'est ça. Si c'est une sortie botanique, c'est pas très gênant, parce que les plantes elles sont là. Toujours là. Bon, il y en a d'autres. Renseignements et inscriptions, oui, ça arrive. Hein, quelques oui, voilà. Ce sera inscrit sur le site, mais en général, non. Voilà, puisque comme tu viens de le signaler, souvent, en même temps qu'il y a la date, il y a le lieu de rassemblement qui est... Tout y est. Alors, l'objectif des sorties, c'est de découvrir, évidemment, les plantes, la faune sauvage, les oiseaux, les mammifères, les batraciens, un petit peu tout. Hein, parce que, bon, par exemple, si on anime une sortie ornithologique et qu'on voit quelque chose d'intéressant, des batraciens intéressants, on va également s'y intéresser. Et surtout, on essaie toujours de faire passer un message... de protection. On explique bien que la seule possibilité pour protéger les espèces, c'est de protéger leur milieu de vie. Sinon, ça n'a aucun sens. Pour protéger les espèces, il faut protéger les milieux de vie, c'est-à-dire les biotopes. Mmh. Oui, là où ils vivent. Voilà. Sinon, c'est vraiment... c'est comme un oiseau sur la branche. S'il n'y a plus de branche, il ne se pose plus. Quoi. Parce que c'est vrai que quand même la situation est très très grave. En France, sur toutes les espèces d'oiseaux nicheurs, on a 76% au moins les trois quarts qui sont menacés. Qui sont en diminution. Pratiquement toutes les espèces sont en diminution, sauf quelques espèces opportunistes. Des oiseaux comme les pigriaches, par exemple, la pigriache grise qu'on voyait très régulièrement dans les Vosges en hivernage et qui se reproduisait il y a encore 25 ou 30 ans, ben, elle est quasiment introuvable aujourd'hui. Et donc également, pour les personnes qui voudraient apporter leur concours, eh bien, ils peuvent prendre contact avec Oiseau Nature pour avoir des informations, que ce soit un nichoir, que ce soit l'habitat, son propre habitat, pour pouvoir accueillir certains oiseaux. Donc là, vous donnez un maximum d'informations parce que vous êtes vraiment en prise avec le terrain. Oui, oui, oui. On peut expliquer par exemple pour quelles raisons il est nécessaire de laisser des petites friches dans son terrain si on a un petit coin de terrain. Hein, les petites friches, ça permet aux abeilles sauvages, aux bourdons, aux papillons de pouvoir trouver du pollen et du nectar. On ne peut pas se plaindre à la fois qu'il n'y a plus d'abeilles, qu'il n'y a plus de bourdons, qu'il n'y a plus rien, et puis tondre sa pelouse tous les 15 jours. Oui. Hein, comme ça, voilà. Donc ça, c'est une question de cohérence. Par exemple, on a communiqué avec toutes les communes vosgènes pour les inciter à faucher le plus tard possible les bords de route. Voilà, parce que vous faites aussi beaucoup de... Mais là, ça sera des... on pourrait encore y passer une autre Vosges samedi. Vous faites beaucoup de travail, de contacts en direction des collectivités territoriales, voilà. Institutionnellement, quoi. On essaie de communiquer avec les communes, tout simplement parce que ce sont elles, la plupart du temps, qui ont la maîtrise sur les espaces. Hein. Alors, Par exemple, c'est vrai, les talus des bords de route. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus d'insectes. On voit bien, quand vous promenez en voiture, il n'y a plus un seul insecte qui vient s'écraser sur votre pare-brise. C'est terminé. C'est dramatique. Il y a une étude dernièrement qui a été faite en Allemagne qui a démontré que 80% des populations d'insectes, toutes espèces confondues, ont disparu en 25 ans, 30 ans à peu près. Hein. C'est valable pour la France, c'est valable pour les Vosges. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux insectivores. Des tas d'espèces sont en train de disparaître. C'est une véritable extinction de masse. C'est très grave ce qui se passe. Donc, on essaie de sauver ce qui peut encore être sauvé. Alors, en faisant en sorte de faucher le plus tard possible les talus et les bords de route, eh bien, ça permet d'avoir de la nourriture pour quand même quelques insectes, quoi. Hein, certains bourdons, abeilles, papillons, coléoptères, enfin, etc. Pourquoi il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de nectar et de pollen? Tout simplement parce que dans les prairies, on fauche de plus en plus tôt. Dès le 15 mai, la plupart du temps, les agriculteurs commencent à faucher dans les vallées, dans les plaines alluviales. Donc, il n'y a plus de fleurs sauvages dans les prairies. Il ne reste plus que des petites délaissées comme ça, les bords de route, les talus, les petites friches. Donc tous les gens qui ont un petit coin de terrain chez eux, moi je les encourage à laisser un petit coin, qu'ils ne fauchent pas ou qu'ils faucheront seulement en septembre ou en octobre, même plus tard. Comme ça, il y aura des fleurs pendant un bon moment. Et avant de nous quitter, eh bien, rappelons que Oiseau Nature fait partie de cette association, enfin ce collectif du Dimanche sans chasse, hein, pour ceux qui voudraient aussi avoir des informations. Et puis rappelons aussi que vous pouvez gérer les petits coins de terrain, justement, pour permettre que votre terrain ne soit pas accessible aux chasseurs en passant par Oiseau Nature. C'est aussi, voilà, une façon d'étendre un peu le sujet, en plus des oiseaux, on va dire. Voilà. On peut empêcher la chasse sur son terrain dans les Vosges, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. Voilà, donc voilà. Eh bien, on va se quitter parce qu'hélas, notre émission arrive à son terme. Et puis, grand merci. Donc, rendez-vous. Donc, tu nous redis les horaires et les lieux et les dates. Alors, tous les dimanches, alors donc du 12 novembre 2017 jusqu'au 18 février 2018, de 10h30 à midi, sur le plan d'eau de Remiremont. Pour les gens qui ne connaissent pas, l'affût se trouve près du parking, en contrebas. Oui, contrebas du parking, en fait, tout près du lac, hein, mais il est facile à trouver. Hein. Voilà, voilà. Une espèce de grosse cabane en bois, tout simplement. Puis on verra qu'il y a un peu d'animation de ce côté-là. Voilà, puis nous, on met un panneau pour signaler. Pour attirer les gens. Merci tout plein. Allez, voilà. À bientôt, ouais. Dimanche matin, ouais. Jusqu'au 18 février. Voilà. Au revoir, Alain. Au revoir, Jean-Louis. Et oui, c'était donc une interview que nous faisions en 2017. Alors, ce n'est pas jusqu'au 18 février, puisque c'est en 2018. C'est jusqu'au 17 février. Ben oui, les dates, en fait, c'est un jour près. Hein. Démarrage de cette animation, donc gratuite, à partir du 18 novembre 2018 jusqu'au 17 février 2019, de 10h30 à midi. Et bien entendu, on vous parlait dans cet entretien de l'alouette de Kyo Tribot, eh bien, nous vous la proposons et nous espérons qu'elle restera bien vivante, cette alouette. L'alouette sur la branche, un petit saut, l'alouette, fais un petit saut, l'alouette, comme il faut. Au bistrot de mon village, au bistrot de mon village, je vois les canons en rouge, en rouge, je vois les canons en chantant ces quelques sons. Oh, quelle triste existence! Oh, quelle triste existence! Hidromel Émission des Vos samedis du 17 novembre 2018. Nous avons repris l'entretien de la saison 2017, donc certaines dates sont un peu erronées maintenant. Donc, émission des Vos samedis du 17 novembre 2018, consacrée à cette initiative de Oiseau Nature concernant le plan d'eau de Remiremont. Et vous pouvez trouver d'ailleurs tout le programme des sorties Oiseau Nature 2019 sur leur site. Et vraisemblablement également à l'occasion de ces dimanches fin de matinée à partir de 10h30 jusqu'à midi et jusqu'au 17 février 2019. Un grand merci à Thomas pour RCN, un grand merci à Marcus pour RGM, émission que vous pouvez retrouver sur nos sites www.rcn-radio.org ou radioguemozo.eu. Allez, que les Vosgiennes sont belles dans la nature. Que les Vosgiennes sont belles. Comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher. Le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez et tout le bazar est animé. Ça élimine la matière grasse. Être excité quand tombe culotte et jardin.